L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Que Dieu n'existait que pour les faibles et les malheureux. J'ai découvert dans une prière que Dieu m'aime, que Dieu m'aime, que Dieu m'aimera toujours. Il m'a sauvé. Pardonné, oui je l'aime, oui je l'aime, oui je l'aimerai toujours. Il me garantit l'éternelle vie, oui je l'aime, oui je l'aime, oui je l'aimerai toujours. J'ai vu de mes yeux la parole de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Où vais-je me cacher? Je lui ai tout avoué. Et Dieu m'aime, et Dieu m'aime, et Dieu m'aimera toujours. La la la la la la la la la. Et Dieu m'aime, et Dieu m'aime, et Dieu m'aimera toujours. Depuis ce jour, je goûte son amour. Oui, je l'aime, oui, je l'aime, oui, je l'aimerai toujours. Si tu le veux aussi, viens à Jésus-Christ. Et tu l'aimes, et tu l'aimes, et tu l'aimeras toujours. Il est le médiateur entre Dieu et ton cœur, le seul qui donne le salut. Si tu passes par lui après t'être repenti, oui, Dieu t'aime, oui, Dieu t'aime, oui, Dieu t'aimera toujours. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oui, Dieu t'aime, oui, Dieu t'aime, oui, Dieu t'aime.